De la testostérone, de la sueur, de la virilité. Cette semaine, on a maté Fast and Furious 6 et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Fast and Furious 6, Rapide et Dangereux 6, titre québécois, Furious 6 en anglais, de Justin Lin. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir. Ça va Greg? Ça va. Ça t'a fait plaisir d'avoir... Je parle un peu comme dans Fast and Furious, bonsoir. Et toi Mickaël, ça va? Toi j'ai kiffé. T'as aimé Fast and Furious? Ah ben tu sais que j'avais jamais vu Fast and Furious, j'en ai vu aucun. Moi non plus j'en avais vu aucun. Et moi, du coup, ah ouais. Je vous raconterai. T'avais vu le 1 ouais. Ouais, bah du coup je me les suis tous fait juste avant, j'ai voulu absolument savoir ce qui se passait avant pour bien comprendre quoi. C'est professionnel. Non mais je suis content parce qu'il me semble que dans l'histoire de 2 heures de perdu, c'est le premier film qui a obtenu le prix spécial du jury à Cannes, non? Ça, ouais, je pense que c'est celui-là, ouais. Ça semble. Prix spécial, on a inventé le prix pour ce film. Donc, vous l'avez compris, cette semaine, on parle de Fast and Furious 6 de Justin Lin, sorti en 2013, de 130 minutes, avec Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson et Jordana Brewster. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait malheureusement à ça. Ça n'a pas été dur de te retrouver, Toretto. Je me cachais pas. La semaine dernière, une équipe de pilotes parfaitement organisée a réussi à s'emparer d'un convoi militaire. Rio a été mon dernier job. Ah, je sais que c'est pas toi. Tu vas m'aider à choper les coupables. Ah ouais, en quel honneur, Ops. On a traqué ce gang à travers 12 pays. Elle date d'il y a une semaine. C'est impossible. J'ai besoin de toi, Dom. Toi et ton équipe. Il y a un bébé dans le coin? Ferme-la ou ok, donc voilà, là ça va exploser dans tous les sens. A noter quand même que Vin Diesel est doublé par Arthur Ashe dans le film. Prix d'interprétation hein, de Vin Diesel. Hein, ah oui, bah oui. D'ailleurs, c'est marrant de tourner dans un film de bagnole et de s'appeler Diesel, quoi. Du coup. Il vend des jeans. Mais bon, ça, il y avait 10 ans pour la faire. Je pense qu'elle a déjà été faite, celle-ci. Ouais, gros son, hein, gros son tout le long. Hein. Gros son tout le long. Ça explose dans tous les sens. On va pas vous mentir, il y a beaucoup de bagnoles, beaucoup de castagnes. Il y a beaucoup de voitures, j'ai pas été déçu. Hein. Ça se tape pas mal sur la tronche. Alors, avant de vous demander de raconter l'histoire, je vais vous raconter l'histoire d'avant. Okay. Parce qu'on rappelle quand même que c'est le 6. Oui. Ouais, du coup, ça c'était un peu gênant parce que moi je connaissais aucun personnage. Ouais, moi aussi, c'est bon, en même temps, c'est vachement dur de se greffer. Hein. Parce que là, c'est vraiment une épopée complexe. Hein. C'est le Game of Thrones de la bagnole. Non, mais c'est ça, c'est comme si t'arrivais sur la dernière saison de Game of Thrones, j'ai rien compris. Non, là, c'est un peu comme si t'arrivais sur la dernière saison de Friends. C'est-à-dire que il n'y a rien de nouveau. Donc, juste, voilà, un seul bail. Ils avaient fait un dernier gros coup dans le 5. Ouais. Ce qui est à peu près le cas de chacun des Fast and Furious. Ouais. Et ils s'étaient chacun retirés en mode renégat, on disparaît de la circulation. Et Michelle Rodriguez, qui était l'ancienne petite amie de Vin Diesel, était morte. La pauvre. Ouais. Et là, voilà, il n'y a aucun moyen que voilà, ils remettent un pied dans le milieu. Et en fait, ils sont obligés parce que le méchant, parmi son crew à lui, eh ben, il y a Michelle Rodriguez et du coup, Vin Diesel, il fait... C'est ma meuf sur la photo. Et du coup, t'as raconté l'histoire là, en fait. Mais t'as vraiment. Je vous ai fait un tremplin, ouais. Mais d'accord. Tu as vu les 5 avant? Non, moi, je suis rentré de soirée à 5h du mat. J'ai vu la fin du 5. Ouais. Donc, c'est comme ça que je sais. Et j'avais vu le 1 il y a très longtemps en Divix avec mon cousin. Le 1 est bien ou pas? Non. Non, mais je crois qu'enfin en réalité c'est pas des c'est nous on s'est fait chier parce que voilà on est trentenaire amateur de vrai cinéma voilà moi je suis plus Bergman mais c'est bien réalisé hein, on peut pas dire le contraire non par contre franchement voilà c'est bien fait bah, tu te fais pas trop chier quoi. Non plus non moi j'avoue hein, j'ai trouvé ça très con mais c'est un gros film popcorn et au final je me suis pas fait chier je me suis plutôt abusé c'est un peu comme quand tu te tapes un McDo tu vois c'est pas très bon mais t'apprécies de temps en temps. Ouais, je préfère le McDo quand même. Franchement. Ouais. À la différence, c'est que le McDo donne envie de faire caca, contrairement à Fast and Furious. Bon, alors l'histoire, c'est très simple en fait. Hein. C'est juste, il y a un méchant qui veut s'emparer d'une pièce pour faire. Comme d'hab. Une puce électronique qui vaut 1 milliard sur le marché d'armes. Voilà. Alors, il aurait pu demander au mec de hacker, ce jeu. On va se faire chier. Et donc, il a un crew qui est super balèze. Et en fait, il y a la police qui vient voir Vin Diesel et pour lui dire, mec, en fait, j'ai vraiment besoin de toi parce qu'il n'y a que toi qui peux faire ça. Et donc, comme tu as dit, il y a la photo de sa meuf, du coup, il est obligé d'accepter. Et lui, du coup, il va former sa petite équipe avec les son crew, qui est le crew de Fast and Furious, c'est toujours le même depuis. Ah, depuis le 1. Je pensais qu'ils étaient arrivés au fur et à mesure, moi, non? Ouais, si, ça arrive au fur et à mesure. Je pense qu'ils ont dû. Ouais, si, ils ont dû arriver au fur et à mesure. Voilà, et donc, pour choper le gars, ils vont prendre tout type de moyens de transport, mais principalement des bagnoles. Oui. Qui vont très très vite et qui sont très puissantes. Ça va castagner, ça va caramboler. Ouais. À noter quand même que l'action se passe dans 145 pays différents. C'est vrai. Alors il y a que Andorre et le Liechtenstein qui sont pas représentés. Mais... Alors c'est marrant, à chaque fois que ça change de pays, alors moi c'est un truc qui m'a choqué, il y a aucune indication de lieu. Mais si, c'est marqué en dessous. Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps, il y a plein de moments où. Et surtout, on dit pas du tout comment ils font pour y aller, parce que potentiellement c'est long quand même de changer de pays. Faut effectivement, faire Londres, Mexico, ça prend pas 5 minutes. Il y en a un qui fait l'aller-retour Los Angeles, je sais pas quoi, là, avant d'en parler, il le fait en une heure. En une seconde, dès le début. Et d'ailleurs, en fait, ça commence la scène d'ouverture, c'est. Course poursuite, l'intro. Mais c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que le mec, il va à la naissance de son fils. Ouais. Et il fait une course poursuite avec son pote au bord du ravin dans une montagne, dans une route ouverte avec du trafic. Les mecs sont à contresens. Enfin, là, mec, tu vas juste assister à la naissance de ton fils, donc prends pas trop de risques. En fait, ce serait con de mourir sur le chemin, quoi. Mais non, il prend tous les risques. Là, ils arrivent dans un monastère espagnol parce qu'en Espagne, c'est comme ça que t'accouches. Il y a pas de. Il y a encore Franco, je crois, les gars. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'il y a pas d'infirmière, c'est trois nonnes. Oui, c'est ça. Et à côté, t'as genre Gilo qui est là, tu sais, genre poum poum short rose. C'est clair. Et tu sais, genre, c'est hyper dégradant pour les nonnes, qu'elle en a rien à faire. Donc l'action se passe au 19e siècle. En Espagne uniquement. Et donc là, voilà, t'as les nonnes. Donc là, Manu Payet, il va être papa. Parce que moi, je trouve qu'il ressemble à Manu Payet. C'est lui qui est mort, Paul Walker, c'est ça? C'est lequel? C'est lui, c'est le père. Ah, c'est le blond, ouais, là? C'est le père, ouais. Il est mort? Ouais, il est mort. Ouais. Il est mort d'un accident de bagnole, figure-toi. C'est vrai? Et ouais. Ah ouais, il est mort. Le nulos. Il avait commencé à tourner. Le mec, il a survécu 6 Fast and Furious et il est mort, quoi. Mais vous avez vu tout ce qu'il avait vécu avant? Déjà, il avait survécu, c'était quand même un exploit, quoi. Fallait bien qu'il crève au bout d'un moment. Ah, mais surtout, il prenait trop de risques, hein, moi. Il est pas dans le set, du coup? En fait, j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'il avait commencé à tourner le set et qu'il est mort. J'espère qu'ils ont fait comme dans le dernier film de Bruce Lee où, tu sais, il est par incrustation. Non, mais apparemment, il est tout sur la moitié des scènes de fin. Apparemment, il y a un petit hommage et tout. Oui, cool. Il faut absolument qu'on aille. Je le verrai pas, mais bon. Donc ensuite, ça se passe à Moscou. Il y a eu un accident qu'on n'a pas vu. Deuxième pays, on va les compter, tiens. Ouais. Après l'Espagne, Moscou. Il y a Dwayne Johnson. Donc pour ceux qui voient pas qui c'est, vous voyez forcément qui c'est. C'est un mec qui s'appelle The Rock, qui n'a pas de cou, comme Vin Diesel. C'est-à-dire, il a les épaules triangulaires. C'est extrêmement étrange. Il est tellement musclé qu'il peut pas mettre ses bras à la verticale, en fait. Il est toujours à 45 degrés au niveau de ses bras. Mais comme on dit, il peut pas se torcher le cul, lui. Je pense que tu lui bouffes un triceps, t'as tous tes besoins en. T'as tous tes besoins en protéines pendant 2 ans. Il est tellement musclé que ça n'a pas de sens. Ouais. Et il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'on est à Moscou. Pourquoi c'est un Américain catcheur qui s'occupe de l'enquête? Il était catcheur, en fait, c'est ça. Ils ont tous l'air super bêtes et super musclés en plus. Et c'est très très fatigant de virilité. Alors ils font même une blague parce que je crois que dans celui-là, c'est un des premiers Fast and Furious à être un petit peu intelligent. Il y a un peu d'autodérision. C'est vraiment intelligent. Ouais. Non, mais il y a un peu d'autodérision, tu vois, parce que lui, en fait, il est huilé avant chaque scène. Ah ouais? Pour que ses muscles soient luisants et tout, apparent. Et il y a une référence, il fait « Ah, ça sent l'huile pour bébé », parce que je pense qu'il s'était fait un peu tailler dans le sein ou quoi. Et à chaque plan, lui, il brise. C'est trop marrant, ça n'a pas de sens. Tu sais, genre à chaque plan, il sort d'une séance de muscu, quoi. Mais du coup, ils font comment? Ils font quand même de la muscu pendant le tournage. Ils font 6 heures de muscu pendant le tournage. Bah, en fait, après, J'ai vu des photos, quand il met pas d'huile et qu'il fait pas de muscu, c'est une crevette, le mec. Donc après, il y a une scène d'interrogatoire de catch. Ouais, exactement. Ouais. Alors moi, j'ai été dérouté au début du film parce que tous les personnages sont chauves et en débardeur. Donc je les confondais tous. Vin Diesel, Le Rock et puis lui. Vin Diesel ne porte que des débardeurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, il a tellement de muscles. Donc, si t'as autant de muscles, c'est pas la même chose. Ils avaient hésité. À un moment, il n'était pas dispo. Ils avaient hésité avec Gilles Lelouch. C'était dans quel film? Ne le dis à personne. T'es sûr? Ouais. Ah oui, bon, très bien. Et donc, du coup, voilà, il y a le super méchant, c'est la merde. Le super méchant qui est pas très, qui est pas super musclé, par contre. Bah non, moi, je me demande pourquoi ils l'ont pas laté, quoi. Bah ouais. Il suffisait de lui mettre des droites, quoi. Et là, c'est alors ça. Alors, tous les personnages ont des noms qui font pas plus de deux syllabes. Hein. Y a chaud. Et ouais, il y a chaud. Il y a Dom. et là, il y a un truc, pareil, je comprends pas. C'est-à-dire que l'autre, c'est le chef d'Interpol et tout. Il est ultra puissant. Et il sait qu'il a besoin de Vin Diesel. Il fait non, sans Vin Diesel et son crew, je peux y arriver. Ouais, franchement, je l'attends même pas. Du coup, il va chercher Vin Diesel dans son petit Airbnb en Espagne. Ouais, c'est ça. Je sais pas si t'as vu son espèce de chambre. Ah, c'est sympa, il y a une petite horloge et tout. Le truc, bah, pareil. Moi, et d'ailleurs, il est dans un lit avec une nana qu'on revoit jamais dans le film. Si, on va la voir à la fin. Ouais, ouais, parce qu'il y a quand même explication de. Mais on était ensemble avant que tu trouves une nouvelle meuf pendant le film. Ah, mais c'est vrai. Et du coup, donc Dwayne Johnson, il va voir Vin Diesel, il lui dit voilà, tu reconnais personne sur la photo, genre elle est encore en vie, c'est ton ex-femme. Oui. Donc potentiellement, toi, tu dois être déjà surpris qu'elle soit encore en vie, et puis t'as envie d'aller la revoir, quoi. Et lui, il fait ok, bon, moi, je suis obligé d'accepter la mission. À aucun moment, il se dit c'est peut-être un photomontage, mais c'est peut-être une photo qui date d'avant sa mort. Ouais, et puis après, quand il monte son crew, c'est marrant parce que. Non, mais ce qui est déjà marrant. Le montage en fait, team building. Tout est fait pour pousser à la virilité. C'est-à-dire que même la femme avec qui elle est, elle lui dit ouais, je pense vraiment qu'il faut que tu y ailles, quoi. Genre, tu vas. Ah, mais ça, c'est après, quand il. Bah, justement, oui, déjà, sa première femme, elle lui dit ça. Non, mais c'est que des bails de défiance de. Oui. Si vraiment tu prends à la famille, t'hésites pas une seconde. Ouais, ouais, ouais. Oh putain, ça va, c'est pas toi qui va. Et après, quand il forme son crew, il y a la même chose. Il y a la femme d'un autre gars qui dit, bah, celui qui vient d'avoir le bébé, le blond là. Oui. Sa femme, elle lui dit, Paul Walker. Non mais c'est très important. Je pense vraiment qu'il faut que tu y ailles. Bah non mec, tu viens d'avoir un bébé, tu vas pas aller courir. Attends, mais c'est à pisser de rire. C'est Vin Diesel qui va voir le gars et il lui fait, t'as vu la photo? Et là le mec il fait, oh putain, merde. Ça fait chier. Je pense qu'il faut y aller. Et Vin Diesel il fait. Non, toi t'y vas pas. Bah pourquoi tu montes la photo, connard? Tu savais très bien que j'allais faire comme toi. On est tous dans des bails de virilité, mec. T'essayes quoi de me dominer devant ma meuf? C'est la virility battle tout le long. Tout le long. Et d'ailleurs, ce qui est marrant aussi, c'est que quand il forme son crew, les gars, ils acceptent tous, quoi. C'est-à-dire, c'est même pas. Tu sais pourquoi ils acceptent? Parce qu'il est capable de faire le multi-téléphone avec son multi-appel. Il appelle tout le monde en même temps. Ah ouais? Vous avez pas vu cette scène? Non, j'ai pas vu. Ils sont tous chacun de leur côté, tu sais, c'est un montage. Donc le mec, il est dans un avion avec des prostituées. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il y en a un autre qui fait de la Ferrari en Argentine et qui a fait bugger un distributeur. Donc, ouais, rien. Pas trop, ouais. Il y a un mec à Hong Kong avec sa gonzesse qui a envie de se marier. Ils font tous les deux partie du crew pour le coup. Ouais, tous les deux. Et là, d'un seul coup, tout leur téléphone sonne en même temps. Et non, mais t'as raison, faut surtout pas dire qu'elle meurt à la fin. On va en parler, mais ça m'a vraiment fait marrer. Il fallait que ce soit la gonzesse du chinois qui meurt. Genre, ouais, ça va, il est chinois, on s'en fout. C'est vraiment pas cool. Non, mais moi, quand j'ai vu le japonais avec sa meuf, je me suis dit, ah, ils sont au Japon, peut-être qu'il sera un peu moins con que les autres, vu qu'il est déjà un peu moins musclé et tout, machin. J'avais un peu d'espoir sur, tu vois, qu'il fasse des trucs technologiques et tout. Pff, pas du tout. Il conduit des bagnoles comme tout le monde. Non, non, ouais, il fait rien. Ah oui, non, mais ils ont aucune vraie spécialité. T'en as juste un qui fait un peu plus d'ordinateur, mais oui, là c'est oui. Pareil, c'est du niveau de hacker, quoi. Alors là, pareil, ça c'est un truc qui me fait marrer, c'est-à-dire qu'on comprend qu'à la fin du 5, ils avaient fait un gros braquage, ils ont genre 1 milliard chacun, tu vois. Ils sont tous millionnaires. Et là, ils acceptent sans hésiter. Ah, c'est un truc où potentiellement on peut mourir vachement dangereux. Bah, si c'est pour la famille et la virilité, je suis obligé d'accepter. C'est les Lopez, je te jure, c'est les gitans Lopez. Monsieur, c'est jaune, tu m'as appelé, moi je suis là. Ils ont fait des vidéos YouTube et il y a un méchant qui a fait des vidéos YouTube devant des caravanes. Et si jamais vu une Diesel, je le prends, la calotte de ses morts. Ils sont obligés d'accepter. C'est que des bails de virilité dans ce film. C'est la virility battle. Donc ils acceptent. On sait pas pourquoi. Ils acceptent quoi. Mais ils sont obligés. Et du coup. Et pourtant c'est dangereux tout ce qu'ils vont faire après. Oui, après. Ouais, potentiellement c'est assez dangereux. Ouais. Après ça va transpirer, je vous le dis. Donc là il y a explication du film. Tu sais que moi ça sentait la sueur dans mon salon. Ah, moi j'ai ouvert les fenêtres devant Fast and Furious 6. Je me suis mis à transpirer. Ah, j'étais en nage. Et donc là. Le chef d'Interpol, qui est aussi musclé que Vin Diesel, hein, c'est ouais, parce ouais, que c'est musclé, un flic. Ouais. Donc lui, il est sans coup et il leur explique les bails. Explication de bail. Je voudrais que vous m'aidiez à arrêter Shaw. Il lui manque qu'une seule pièce d'équipement et je compte bien l'attraper avant qu'il me mette la main dessus. Alors je sais que vous êtes une famille. C'est pourquoi je vous donne la chance aujourd'hui de réunir cette famille au complet. Tu voudrais réunir la famille encore? Conduis-nous à Letty. On te donnera Shaw. On veut un pardon inconditionnel pour tout le monde. Je ne peux pas promettre ça. J'en crois rien. C'est ce qu'on t'offre. C'était un des seuls dialogues du film. donc là, en plus, j'ai un peu enlevé des blancs, mais je sais pas, elle est hyper longue, cette scène. Ouais. Mais vous avez vu encore la virilité, quoi. Ouais. Pour sauver votre famille, tu veux vraiment réunir la famille? Nous, on veut le pardon. Je peux pas vous donner le pardon. Ouais, mais sinon, on n'y va pas si tu nous donnes pas le pardon. Ok, je vais voir. En fait, vous le voyez pas, mais dans cette scène, ils sont tous en train de faire des bras de fer. Non, mais tout le long du film, après on va attaquer parce qu'on n'a pas attaqué encore l'action. Ouais. Mais c'est vrai. Tout est mis en scène dans la virilité. C'est-à-dire que les mecs, quand ils parlent, ils sont vénères. Ils font que des trucs pour les valeurs. Ils conduisent que des trucs. Moi, à un moment, en fait, quand ils conduisaient des petites bagnoles, je me suis dit, mais putain, les mecs, ils sont tellement virils, ils conduisent des bagnoles normales. Je trouve ça un peu faible, quoi, tu vois. Heureusement, après, il y a les tanks, les avions et tout. Ça s'équilibre, quoi. Après, le film va monter dans les tours, tout ça. Il n'y a pas à s'inquiéter, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'il faudrait qu'on fasse un petit point QG aussi, parce qu'ils sont dans un QG continuellement, on ne sait pas où il est, ce QG. On ne sait pas dans quel pays il est, parce qu'il y a 145 pays dans ce film. Et bah, du coup, ce qui m'a fait marrer, ça ressemble à une espèce de garage automobile, et derrière, il y a un distributeur, d'ailleurs, c'est un distributeur de confiserie, moi j'ai dit confiserie, et de soda, et de snacking. Et une machine à café, mais ils ne peuvent pas acheter des Twix au supermarché en fait, ils sont obligés de mettre une pièce dans leur local pour pouvoir vous faire. Ça leur coûte un fric, mais surtout que ce n'est pas très sécure pour une planque secrète, genre. C'est bon, je viens changer les Twix. C'est le mec de Sodebo qui doit changer les Twix tous les mois. Donc là, il y a une attaque. Il faut qu'on avance parce que. De toute façon, on va pas décrire les scènes d'action parce que c'est compliqué, quoi. Alors la première scène d'action avec le méchant qui est. On les fait quand même. On fait rapidement. C'est dans Londres. Il est dans une espèce de Formule 1 artisanale. Alors une formule tremplin, c'est-à-dire c'était malin. En fait, c'est un mélange entre une Formule 1 et une raclette. C'est-à-dire qu'il appuie sur un bouton. À l'avant, ça descend, et donc du coup, si jamais il croise une bagnole de face, et bien la bagnole s'envole, et lui ne bouge absolument pas. Mais est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un système pour mettre la fin du tremplin alors qu'il pourrait y être tout le temps, quoi? Ben non, parce que des fois, il veut monter des trottoirs pour la garer, donc il faut pouvoir l'enlever. Mais ça se passe dans quel pays? C'est à Moscou? C'est à Londres. On est déjà à Londres. Ouais, ça va vite. Et donc après, il y a tout un bail dans le film sur comme quoi le méchant, il a toujours une longueur d'avance, il connaît tout avant tout le monde, et tatata. Donc évidemment. Là, il a baisé tout le monde parce que tout le monde a essayé de le capturer, mais en fait, tout son crew, ils sont à Interpol. C'est là qu'il met les petits émetteurs sur les voitures? Alors, c'est pas des petits émetteurs. Ah oui, c'est... Alors, il faut expliquer ce que c'est, ça. Mais ça, c'est complètement débile, en fait. Oui, ça, c'est vraiment con. C'est-à-dire, une grenade, ça vaut combien, une grenade, gang? Ça doit valoir peut-être 1000 balles. 20 roubles. Ça vaut 20 roubles. Là, ils ont un espèce de mini-truc qui est aimanté au capot de la voiture, il le lance, il s'aimante. Et après ça, ça pirate le truc de la voiture et ça peut éteindre. Ils en prennent le contrôle en fait. Non mais en plus, il le pirate avec son iPad, il doit faire des mouvements quoi. Alors tu mets une bombe dessus, c'est fini. Et ça bloque les roues. Ça provoque juste un accident pour ne pas les tuer. Alors que une bombe, ça fait exploser le truc quoi. Sachant que le truc le plus efficace pour neutraliser les mecs de Fast and Furious, c'est de prendre le contrôle de la voiture pour les brancher sur France Culture. Là, il bloque direct. Moi, j'avais mis tu peux dérégler la clim et changer les pré-réglages de la radio. Oh putain, il y a trop de basses. Où tu déclenches la vitre. Donc là, après ça, il y a tout un bail dans les tunnels et tout. Alors là, c'est pareil, c'est dans tous les films d'action, c'est comme ça. Comme c'est un crew, au lieu de faire du 3 contre 3, ils vont faire en 1 contre 1 parce que les routes se séparent. Ouais. Donc le mec qui va mourir là, le sosie de Manu Payet, lui il est contre la blonde, la gonzesse, qu'on va jamais revoir elle par contre. On la revoit juste à la fin en Formule 1. Et je peux vous remarquer, donc elle le plante. Elle le plante, ouais. Lui il se retourne et après ça elle passe à côté de lui. Elle s'arrête, elle fait regard de domination. Les meufs elles sont hyper viriles. Ce qui est marrant dans cette scène, c'est que le mec il a fait 147 tonneaux. Et en fait, il est tranquillement assis à l'envers. C'est limite s'il s'allume pas une clope avec la une cigare. C'est vrai. Oh bah j'ai perdu. Hein. Et elle, ça l'inquiète pas trop. Tu sais, elle regarde le mec, il est. Enfin, n'importe qui serait mort, enfin. Et elle regarde, elle lui fait juste un clin d'œil. Mais en fait, elle regarde même pas, genre, s'il est mort ou pas, quoi. Et ça, c'était un peu bizarre. Du coup, il y a Michel Rodriguez qu'on voit apparaître. Ouais. Avec Pascal Bretal ou pas? C'est à ce moment-là, ok. Pascal Bretal. On en avait parlé dans quel film de Michel Rodriguez? Dans Avatar. Et je m'étais trompé en disant qu'elle avait un lien de parenté avec Rodriguez, le réalisateur. C'est faux. Voilà. Julie qui m'a indiqué ça plus tard, mais je m'en fous de me tromper, donc voilà. Je vais même le redire. Je crois qu'elle a un lien de parenté avec. donc elle tire. Alors, ouais, alors évidemment, hein, ça c'est comme ça. Ah oui, hein, il faut préciser qu'en fait, après son accident dans le 5, elle perd la mémoire. Et donc mais ça, sort... nous on le sait pas. On pense qu'elle est méchante à ce moment-là. C'est après qu'on va savoir. Oui, enfin en tout cas, elle est dans le camp des méchants. Elle le regarde avec un regard tout vitreux. Et donc elle le regarde avec un regard genre complètement perdu et elle lui tire dessus. Elle lui tire dessus, ouais. Et voilà. Donc ce, dur, hein. Ce qui engage le chapitre prochain. Ah bah j'ai versé ma larme à ce moment-là. Chapitre que j'ai appelé « On va pas se laisser dominer ». Franchement, c'est vraiment eux qui dominent. Ah mais non, là les méchants, ils les ont dominés. Il y a un débriefing de la loose. On les voit tous dans la base. Personne n'est blessé. Sauf Vin Diesel, qui lui, virilité totale, s'enlève la balle tout seul. C'est-à-dire que personne ne va l'aider, quoi. Il a... Il s'enlève la balle tout seul. Et d'ailleurs, si vous regardez bien cette image, il fait un Rubik's Cube en même temps. Il n'est absolument pas stressé, il n'y a pas une goutte de sueur. Et surtout, il n'est pas blessé du film. C'est-à-dire qu'après, il n'a pas de problème à l'épaule. Alors, il faut savoir qu'aucun personnage n'est blessé dans ce film. Ils se foutent sur la gueule, ils se font des tonneaux, ils se font des actions. Sauf la meuf du chinois, quoi. C'est pour ça que c'est ironique que l'acteur meurt en bagnole. Et là, il y a un truc qui m'a fait hurler de rire. Et en fait, je suis deck parce que après ça, ils se parodient eux-mêmes dans le film. À un moment, tu arrives dans la base des méchants, tu te rends compte que les méchants ont un crew. Ouais. Et que c'est exactement le même. Ouais, il y a même. Une blonde, une brune, ouais. Deux blacks, un chinois, un musclore, un gogos. Ils sont moins virils. Par contre, le musclore, il est vachement plus musclore que les autres. C'est... En fait, c'est ça. Ouais, mais il est trop, il a l'air bête, lui. En fait, quand même, dans ce film, il y a quand même. On passe des steps à chaque fois. Au début, il conduisait des petites bagnoles. Après, et le gars de la fin est hyper musclé. Il est vachement plus musclé que les autres, le gars de la baston de la fin. Ouais, mais lui, c'est glauque. Il a pris des protés. Lui, à mon avis, il n'est pas naturellement comme ça. Non, The Rock, c'est naturel, hein, je pense. Hein. C'est juste un jaune d'œuf le matin, puis c'est tout. Hein. C'est les tractions, le secret. Hein. Ah, il n'y a que ça. Et voilà, donc maintenant, c'est. On envoie l'autre en prison là pour aller choper des infos, je crois. Ah non, non, encore là, t'as fait un petit peu. Tu vas un peu. Là, je vais vite là. Ah, tu vas vite, ouais. Ah, putain. Là, il y a. Non, justement, il y a la triple piste, c'est-à-dire comment on va les retrouver. Et là, il y a trois pistes qui s'offrent à eux. Il y a. Bon, le Black, comme toi, t'es un pro des voitures, comme tout le monde dans le film. Toi, tu vas aller une vente aux enchères. Ouais, bonne idée, ouais. Pour aller acheter une voilà. À Londres. Ouais, à Londres. Donc là, il se fait humilier parce qu'il y a un prêteur sur gage qui arrive et qui fait oh, mais dis donc, vous êtes noir et il y a une vente aux enchères. Voilà, c'est que des ventes de voitures de luxe, il n'y a que des milliardaires, il y a les deux blacks en débardeur, forcément, parce qu'ils portent tous des débardeurs. C'est obligatoire. Qui arrive et le mec leur dit le commissaire priseur va les voir personnellement. Voilà, il leur dit moquer d'eux. Ça n'a pas alors, de sens. Le problème, c'est qu'il se moque de The Rock quand même, qui fait 347 kilos. Le mec, il a dû perdre à Paris, c'est pas possible. Il a peur de s'en prendre une quand même. Et donc après, il va se faire humilier. Lol, on va pas revenir dessus. Il y a Vin Diesel qui lui va dans un truc de prêteur sur gage et ça n'a aucun tu vois ce que c'est ou pas là non oui c'est là où il va chercher le gun en fait il va chercher le gun il pose une question au man et ouais cherche quelqu'un quoi, et là il y a trois mecs qui veulent se battre avec Vin Diesel Castel il va les démonter et cette scène ne sert à rien puisqu'il n'a aucune info supplémentaire oui. Et troisième solution et après ça le troisième truc c'est qui c'est qui a bien fabriqué cette formule tremplin. Mais en fait, toutes les intrigues de ce film sont basées sur il n'y a qu'un endroit où on peut trouver ce type de peinture. Il n'y a qu'un endroit où on peut retrouver ce type de balle. Il n'y a qu'un endroit et ça revient super souvent en fait. Oui. Oui. Et donc le Vin il castagne hein, c'est comme ça hein, c'est la grosse. Bah, c'est oui. Ah non, il y a baston dans le métro. Ah oui, le baston dans le métro, ouais. Alors là c'est pareil, ils vont se tirer dessus, personne n'est touché. Et alors là, dans le métro, il va y avoir un petit peu des yamakasi, il va y avoir du catch féminin, ce qu'il en faut aussi ouais. Un peu. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce que les meufs. C'est les meufs contre les meufs, les mecs contre les mecs. Hein. Ouais, c'est des valeurs. Parce que déjà. Je peux te dire que là, on tape pas sur les nanas. Hein. Elles se tapent entre elles, ça y a pas de souce. Ah ouais, putain, comment elles se tapent, les meufs. Franchement, ça en fait trop peur. Voilà, donc ensuite, de retour chez Shaw. Donc Shaw, il est pas affecté par la mort parce que c'est un méchant et lui, il a pas de valeur. Ouais. Il manque des muscles pour avoir des valeurs. En fait, les valeurs, ça vient avec les épaules. Quoi. En fait, il faut expliquer qu'ils vont justement voir un des types du groupe de Shaw. Et en fait, ils sont quatre. Ils sont deux meufs, deux mecs. Et ils hésitent. S'ils arrivent à quatre, mais il y en a que deux qui doivent y aller, visiblement. Donc, ils se disent qui va. Et les meufs disent bah, c'est un mec, donc on va y aller. Genre, on va le séduire. Et moi, je m'attendais à ce qu'elle l'allume un peu, tu vois, en arrivant. Voilà. Et en fait, elle le tabasse. Oui, humiliation totale. Même elles ont des bails d'ovaires, tu vois. Elle domine le mec. Le pauvre. Et donc ensuite, c'est là qu'il se fait tuer. Voilà. C'est là évidemment, tuer. Donc là, c'est le... on accélère un peu, c'est la piste du drug du cartel Mexico. Mm-hmm. L'aller-retour en prison à Los Angeles en quelques heures. Ouais, ouais, ouais, qui est un peu, ouais. Qui est un peu débile. Qu'est-ce qu'il va faire en prison ? Il va se castagner. Alors, il va se castagner pour être dans le même, la même section de la prison que le Mexicain, là. Ouais. Pour pouvoir avoir des informations sur Chou. Ouais. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que c'est son, c'est un complice ou un gars de, je sais pas, on sait pas qui c'est d'ailleurs, qui le fait rentrer en prison. Ouais, et lui dit, excuse-moi, pourquoi ? Et en fait, il le castagne pour aller plus vite en prison ou pour aller en haute sécurité ou je sais pas quoi. Mais il le fracasse contre le mur. Mais genre, il manque de le tuer, quoi. Il lui casse le nez. Franchement, tu vois. C'est genre, t'aurais pu juste lui mettre une petite tarte. Mais là, il le fracasse. Je n'ai qu'un mot. Virilité. Ne fais pas les choses à moitié. On fait pas les choses à moitié dans ce film. Alors, en fait, il se retrouve dans le même quartier que le mec qui veut aller voir, je sais plus comment il s'appelle, un Mexicain. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il est dans cellule d'isolement. Et en fait, le Mexicain vient le voir dans sa cellule avec ses deux codétenus, tu vois. Et il va les démonter. Déjà, ils se baladent tranquilles dans la prison, tu vois. Et ensuite, ils arrivent à ouvrir la porte. En fait, c'est Papa Schultz, quoi. C'est les prisonniers qui ont le pouvoir. Ils se promènent partout tranquille. Et tu sais, dès qu'il y a des visiteurs, ils font. Et ça c'est pareil, une mini scène très drôle. Apparemment, il y a un traître qui bosse au centre des caméras de sécurité de Londres parce que dès qu'il y a Shaw qui fait une attaque, on n'a pas de caméra. Et du coup, The Rock en personne va au truc des caméras de sécurité. L'anglais il se moque un peu. Qu'est-ce qu'il y a le ricain ? Et du coup, il va lui serrer Lui serrer la main très fort. Il va lui casser les phalanges en lui serrant la main. C'est ultra viril. Putain, le bail de domination totale. Le mec, il est là. Il a trop mal à la main et du coup, il fait. Oui. Ça va, il te serre pas les couilles non plus, quoi. Et surtout, moi, ce Rock, je lui serre pas la main, je lui fais la bise, hein, parce que franchement, rien qu'à sa poigne, son avant-bras, c'est mes cuisses. Quoi. Et là, ensuite, mais qui est réellement Michel Rodriguez ? Et là, flashback sur sa mort, explication de d'où elle vient. D'amnésie, le machin. Amnésie. Et alors là, ça m'a vraiment fait marrer, parce qu'on dirait vraiment un scénario des Feux de l'amour, tu sais, coma, amnésie. Limite, il y a des frères jumeaux cachés. On va faire le test ADN après. Et après, il y a le petit montage. Hein. Montage tuning, là. Montage tuning. Ouais. Donc là, il va chercher des caisses. Et là, surtout, moi, c'est le truc que j'adore. C'est comment on teste des caisses. On pourrait louer un circuit ou... Non, il faut faire une street race illégale en plein cœur de Londres. C'est la seule moyen. Et donc, Vin, il va là-bas. Et donc là, juste, il faut dire quand même, tu vois, une street race, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est trois lascars qui ont des Golf 3 avec des mannes qui font des roues arrière sur des boosters sur le parking du Cora à minuit, tu vois. Là, c'est en plein, c'est censé être secret, c'est en plein cœur de Londres. À Buckingham Palace. Il y a un DJ, il y a des meufs en maillot de bain qui dansent dans tous les sens et il y a des gros mannes qui arrivent en Lamborghini. Exactement ça. J'ai quand même relevé un peu le côté féministe du film. Hein. C'était engagé, quoi. Ah ouais, quand même. Et donc, il arrive là-bas et, coup de chance, en fait, il va faire la première race et il va la faire contre Michel Rodriguez, tu vois. Et puis donc, ils se voient tous les deux dans la bagnole. Non, c'est pas ce moment-là, si. Si. Ah, si, c'est à ce moment-là. Explication de bail face à face. Ils se voient tous les deux dans la bagnole. Et plutôt que de dire, meuf, franchement, tu déconnes, t'étais amnésique, remets-toi, quoi. Tu vois pas que j'étais ton mari. Et puis surtout, putain, tu m'as tiré dessus, connasse. Il va dire... Alors, on va faire la course. Et surtout, il pourrait descendre de la bagnole, la catcher et puis faire après, faire en sorte qu'elle retourne. Dans le film, à mon avis, il n'y a que deux manières. Non, mais il pourrait lui parler. Et en fait, il lui parle pas. Il lui parle après. Oui, mais il lui parle après. Mais au début, c'est genre... Mec, la seule manière qu'elle retrouve la mémoire, c'est une course. Ouais, c'est vrai. Écoutez maintenant. Nous ici, on est habitués d'avoir ce qu'on veut. Ici, c'est Londres, bébé. Mais rappelez-vous bien, ne mordez pas à l'hameçon. Vous êtes prêts ? En place ? En place. Attention. Ça n'a aucun sens ce que dit la gonzesse. Ne mordez pas à l'hameçon. Ici, c'est Londres. On fait qu'est-ce qu'on veut. C'est qui domine. D'ailleurs, il y a des c'est qui dans les dialogues. Du coup, c'est bien adapté aux gens qui vont regarder le film. Quoi. Moi, j'ai une question sur la route. C'est quoi le tracé? C'est-à-dire, en fait, c'est de Buckingham jusqu'à Piccadilly Circus. Après, tu passes par Leicester Square. Et surtout, après, il n'y a aucun tracé, il n'y a aucun commissaire de course. Et surtout, tous les man qui sont là pour assister, en fait, à part la ligne de départ, il n'y a personne sur la ligne d'arrivée, il n'y a rien. C'est une fausse course en fait. C'est-à-dire, il faut juste partir de là le plus vite possible. Moi j'ai une autre question, c'est que fait la police? À aucun moment ils sont là. Si, il y a une bagnole à un moment. Et Vin Diesel, il est obligé de faire la classique marche arrière pendant la course. Fais ta queue marche arrière. Donc je vais aussi vite qu'en marche arrière, en marche arrière. Comme dans Drive, on en a parlé, mais dans Drive ils font la même. Et ensuite, voilà, ils repartent. Enfin, globalement, c'est quand même hyper dangereux, une street race. C'est un peu dangereux dans le centre de Londres, tu vois. Enfin, je veux dire, les mecs, ils ont aucune conscience. Oui, effectivement. Civique, quoi, globalement, c'est assez dangereux dans toutes les séquences. Hein, mais Mais il y a que dans la vraie vie, tu meurs. J'aime bien faire cette blague. D'ailleurs, ils notent à la fin, hein, je sais pas, vous avez vu après le générique, ils disent que voilà, qu'il faut pas faire ça chez soi. Bon, ça va de soi. Et là, du coup. Explication de bail sur un parking avec elle. Voilà, ouais, en fait, il se retrouve isolé, du coup, tu sais pas trop pourquoi. Il décide de descendre dans la voiture. Lui, il est hyper sensuel, il commence à lui faire, tu vois, cette cicatrice. Voilà, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il essaye de lui faire retrouver la mémoire en lui faisant l'historique de chacune des cicatrices qu'elle a sur le corps. Bon, déjà, la meuf, elle est cousue de partout, c'est un ballon de foot. Et en fait, ça commence à fonctionner un petit peu. Elle a des doutes. Mais alors, ça, pareil. Mais non, elle a trop pas de doutes. Elle est ultra sûre d'elle et elle se met dans le big bail et au bout d'un moment, elle lui fait, rentre pas là-dedans, mec. Mais non, mais elle est en virilité totale. Mais tu pris d'interprétation parce qu'elle a toujours ce regard du doute tout le temps de mais qu'est-ce qui m'arrive. Elle le fait pendant tout le film quoi. Mais en vrai, si tu te rappelles pas de ta vie, tu vas pas commencer à faire des braquages en bagnole quoi, tu vois. Et là, à pisser de rire, elle fait bon, écoute, le pisseux, maintenant je me casse. Elle s'en va et là, il y a chaud qui arrive. Tu sais, le mec il attendait derrière le buisson. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non, c'est chaud parce que j'aimerais bien y aller. C'est chaud, ouais. Là, en fait, là, il y a vraiment un problème de scénario. C'est-à-dire c'est impossible. Ils font n'importe quoi avec Shaw après. Oui. Et là, pourquoi est-ce qu'ils le tentent pas? Là, c'est le one-to-one sur le parking. Ouais. Et ils discutent. C'est à pisser de rire. On dirait les deux capitaines d'équipe qui discutent avant le grand jour de la finale. Tu sais, ton équipe n'a aucune chance. Ah ouais? Eh ben moi, mon équipe, on croit aux valeurs de la famille. Ah ouais? Limite, moi j'ai cru qu'il allait installer une table et faire un bras de fer. Et non, mais là, c'est bizarre. En fait, là, ils devraient le tenter, tu vois, parce qu'ils sont deux. En fait, ce qui se passe, c'est que Shaw arrive avec... il est face à Vin Diesel, en fait, et Shaw lui dit, voilà, maintenant, t'as plus le choix, retire-toi de la course. Enfin, retire-toi, arrête de me faire chier, quoi. Et du coup, belle image, excellent. Et là, du coup, il a un petit laser de sniper. Laser, ouais. Voilà. Et sur le coup, il se dit bon, moi j'ai gagné. Enfin, Shaw se dit j'ai gagné. Sauf que Shaw voit qu'il a aussi un point de laser. Exactement la même taille. Et c'est en fait The Rock qui est plus loin, qui est planqué avec son sniper et qui avait prévu le coup lui aussi. Et ce qui a pissé de rire, c'est que dans ce cas-là, ils font ok, il y a patte. Ben ouais, bail d'échec. Et en fait, Shaw, il remonte dans sa bagnole et il se casse. Et Vin Diesel, il reste sur le parking. Bah, tire-lui dessus. Ah oui, voilà, c'est ça. Tire sur Vin Diesel. En plus, alors qu'en vrai, c'est le cas, ils repartiraient chacun en marche arrière dans leur bagnole. Genre, oh putain. Non, mais surtout, vu tout ce qu'ils font après, je vois pas pourquoi ils commencent pas une course poursuite, quoi, tu vois. En disant, en appelant ses potes, vu que de toute façon, que ça soit Los Angeles, il met une demi-heure pour venir, même s'il est à Los Angeles pour aller jusqu'à Londres, tu vois, tu lui fais. Bon, ça, c'était nul. Et là, dernier chapitre. Le chapitre que j'ai nommé. Montance dans les tours. Alors là, tout le monde va monter dans les tours. Il va y avoir, ça va exploser de partout. Là, ça va extrêmement vite. Ils disent, bon, il y a une puce électronique qui est dans un convoi en Espagne. On retourne en Espagne. Ouais. Et le plan d'après, on voit le convoi qui est sur l'autoroute. Il se fait attaquer. Et au moment où il se fait attaquer, il y a un pont sur l'autoroute et ils sont tous sur le pont. Ouais. Ouais. Déjà, c'est une sacrée chance. Non, mais déjà, en fait, ils sont complètement débiles parce que. Tu vois, le Rock, là, il dit « Non, mais on va prendre le truc et puis on va l'emmener ailleurs. » Alors que c'est exactement ce qu'il attendait. Et il se pose même pas la question. Les autres, ils l'avaient deviné parce qu'ils ont aussi un coup d'avance, quoi. Et pourquoi le chef de la base de l'ONU, t'as un mercenaire qui arrive et on l'écoute, quoi. À part pour un bail de virilité. Et surtout, j'ai une question. Là encore, en Espagne, pourquoi c'est un général américain et il y a que des soldats américains? Ah bon? Ah oui, parce que je me suis dit, sinon ça devrait être un petit et il s'appellerait Pedro, il serait pas du tout musclé. Quoi. il serait sous Franco, tu sais, avec des pistolets à poudre avec des lances. Ils ont des corsaires et tout. Bon, en tout cas, baïonnette. Et vous avez remarqué que le mec qui conduit le convoi, c'est Mike Tyson. J'ai pas fait le chauve en débardeur. Enfin, si je vous dis le chauve en débardeur, ça peut être n'importe quelle personne. Même Michel Rodriguez, il est plus musclé que nous, mec. Le chauve en débardeur aussi. Et là, il va y avoir une cascade avec un tank. Alors après ça, c'est baston de tank. Qu'est-ce qu'il y a de plus viril qu'un énorme 4x4 Hummer? Ça, c'était cool. Un tank. Ouais. Un tank sur l'autoroute. Alors il y a juste le mec, il est quand même en tank sur l'autoroute. Ça dure des plombes. Il y a quand même un moment où il croise un péage. Il prend son petit ticket depuis le tank. Et surtout, là, moi, j'ai rien écrit pendant toute cette cascade. J'étais sous le charme. Ouais. Et là, j'ai écrit sur une page entière. J'ai écrit wow. Et j'ai écrit pire que speed. Parce que ouais. la manière dont il va sauver Michel Rodriguez, ah oui, c'est il va ouais, déraper ouais, de sa ouais. caisse pour se créer une inertie, ça va le faire sortir de sa voiture. Et il va sauter d'un pont pour aller sur un autre. Ça, j'arrive même pas à l'expliquer. Et pendant le vol, en fait, il chope Rodriguez qui, elle, était tombée dans l'autre sens. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, il sauvé. Ouais, ouais. Globalement, dans les courses poursuites, il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'ils sont tout le temps à fond. Tu sais, vraiment au top. Ils sont pour le coup, ils sont vraiment dans les tours. Tu vois, ils sont bien ah ouais, là, dans les tours. Ouais. Mais au bout d'un moment, ils repassent toujours une vitesse. Tu sais pas laquelle ils passent. Oui. Voilà, ils sont toujours en reprise. Tu sais, genre les mecs, ils sont bien au plancher là, ils font. À chaque fois pour regagner en vitesse alors qu'ils ont potentiellement des caisses tout puissantes quoi. Ils vont rétrograder de temps en temps. Et là malheureusement ça va virer chocolat parce que tu te dis le film est fini. Et moi je me suis dit c'est mais pas moi possible. Aussi je me suis dit ça. Je me suis dit mais attends mais après l'autoroute c'est pas bizarre. Fini. C'est trop bizarre ce qui se passe et ça ouais, mais être attends. Fini. Bah, en fait. Ouais, mais là on monte dans la virilité. Qu'est-ce qu'il y a de plus viril qu'un tank? Un avion. pas n'importe quel avion. Hein. Mais on dirait un boss de jeu vidéo en fait. Faut expliquer que dans les shoot'em up tu sais ça va s'ouvrir. Ouais, c'est ça. Faut expliquer qu'ils arrivent à capturer Shaw. Ils arrivent à le capturer. Ils l'amènent en Espagne et en fait là Shaw il abat sa dernière carte en fait. Il passe à Paul Walker un téléphone et il y a sa femme qui a été enlevée avec son gamin. Voilà. Et donc Shaw part, il se fait libérer en fait. Et du coup, ils le poursuivent. Et au moment où Shaw va rentrer dans l'avion, il faut qu'absolument il rentre dans l'avion aussi. Ils vont finir par y arriver. Alors il y a un avion. Attends, parce que là, il y a quand même aussi quelques problèmes scénaristiques. C'est-à-dire que. Ah bon le général de l'ONU, il dit. Non mais attendez, c'est pas parce qu'il y a un bail au téléphone qu'on relâche le mec le plus recherché d'Interpol. Ça semble logique. Hein. Et là, Dwayne Johnson. The Rock, ouais. Il sort un flingue et il menace le général. Ouais. Pourquoi? Alors ça y est, lui, il est rentré aussi dans des bails de famille. Ah mais attends, le mec, il a juste une baïonnette et un peu de poudre, c'est normal. Le conquistador, là. du coup, ce qui se passe, c'est qu'il laisse s'enfuir le méchant avec la puce. Ça n'a aucun sens. Et là, quoi. Il part tout de suite à sa poursuite. Et là, le général, il a fait... Bon, ouais, ça va, vous m'avez un peu décoiffé, mais allez-y, bonne chance. Hein. Ouais. Mais en vrai, il fait, mais vous foutez quoi? Bah, vous êtes, tu vois... Bref, il y a un problème. Me laissez pas dans la merde, les gars, là. Et alors là, voilà, là, on se rend compte que ça va être une course-poursuite sur une piste de décollage, sans doute la plus longue de l'univers. Il doit faire 30 km cette piste. C'est-à-dire, mais en fait, ils partent de Londres, de l'Espagne, ils finissent à Stockholm, en fait. Ils n'ont pas besoin de décoller. En fait, c'est une piste spéciale si tu décolles pas. Ouais, parce que c'est le décollage le plus long du monde. Non, mais en vrai, cette scène dure 10 minutes, ils roulent à 130 km/h sur une piste. Ouais, c'est ça. Avec des lumières et tout, c'est pas une route. Ouais. Et je crois que ça a été tourné sur les terrains de foot d'Olivier Tom, du coup. Carrément. Et j'ai un petit extrait sonore des nombreux dialogues de cette scène. Donc voilà, ça dure à peu près 20 minutes de ça. Vous pouvez mettre le sous-titre malentendant. Oui, et je vous promets que j'ai cliqué à peu près au pif et j'ai enregistré pendant une minute, il ne parle pas. Il n'y a que des explosions, j'ai fait aucun montage. Il y a un moment où ça m'a fait marrer, c'est que tu sais, il monte dans l'avion et pour ça, il passe par le train d'atterrissage avant. Ouais. Attends, j'ai cru qu'il allait freiner, tu sais, qu'il allait freiner l'avion avec son pied, genre, oh, je suis plus viril qu'un avion, Alors, il faut expliquer quand même aux gens globalement la scène, parce que j'ai quand même quelques détails, j'en reviens dessus. C'est un énorme avion cargo qui a baissé son train de sortie, là. Donc, je sais pas si vous savez, on peut monter et sortir. Mais donc, il avance probablement à 130 km/h. Mais comme eux, ils ont des... mais tu sais, la porte arrière qui s'abaisse, comme un pont-levis, quoi. Et comme eux, ils vous roulent à 260. Rayon. Donc, ils peuvent rentrer à 130 dans l'avion, quoi. Ouais. Et c'est tout le principe de la scène, c'est on va devoir le bloquer avec des espèces de harpons en freinant avec des bagnoles. Ça n'a pas de sens, puisque l'avion fait à peu près 8000 tonnes. qu'est-ce qui retient le harpon de l'autre côté? Enfin, OK, c'est dans l'aile, mais après, c'est quoi? C'est ses petits bras. C'est qui retient l'avion. C'est pas accroché à la bagnole. Ouais. C'est juste que le mec, il s'accroche, tu sais, la petite poignée qui est au-dessus de la portière. Et il tient le harpon avec l'autre bras, tu sais. Il est tellement malaise. Et là, il va faire... Alors ça, c'est quand même un coup, il faut vraiment, vraiment le préciser. Il y a un moment, ils se battent à main nue dans l'avion. Ouais. Évidemment, le grand méchant, le gros costaud. Et là, t'as Vin Diesel qui va faire le coup de boule le plus puissant du monde. C'est-à-dire, il va sauter en l'air, les mains le long du corps, et bing. C'est Honda dans Street Fighter, il a appelé ça de Honda. Moi, j'ai dit, bam. Ceux qui ont déjà joué à Super Smash Bros, Luigi, il a un coup comme ça aussi. Il fait exactement ce truc-là. Et ouais, là, il y a pas à me le prendre. Il y a un truc, c'est pas de bol, ça va tomber sur la meuf du chinois. Ouais. Qui avait l'air étrangère aussi, donc c'est pas trop grave. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Elle va se sacrifier. Ça n'a... C'est-à-dire que pendant tout le film, ils prennent tous les risques pour rien. Oui. Et là, à un moment, elle fait « Oh là là, je crois que mon pote le chinois, il va se faire avoir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter dans le vide. » Ouais. Mais je vais tirer sur le mec qui arrive par derrière. Alors, elle revient robotisée dans le set, c'est la méchante. C'est clair, elle va revenir en robot. C'est sûr qu'elle va revenir en robot. En fait, ils vont faire un mash-up avec Transformers et ça sera une des bagnoles dans le set. Et à la fin, bah, ça finit forcément. Comment ça peut finir barbecue avec, voilà. Bah, attendez. Grosse explosion, je veux dire. Énorme explosion. Et là, c'est l'explosion de la virilité, quoi. Ah ouais. Bah tu fais péter un tupolev quand même, tu vois. Là, pareil que des bails de baston, un contre un, explosion, dans tous les sens. Et là, coup de chance, on était à 10 mètres de la fin de la piste. Tu disais barbecue, je croyais que tu parlais de l'avion. En fait, ils finissent par un bon barbecue. On est à 10 mètres de la fin de la piste, donc sacré coup de bol. Et puis c'est pareil, hein, c'est une piste, les fins de piste, elles sont viriles. Hein. Il y a des énormes barrières. Il n'y a pas un fossé, il n'y a pas un ravin. Il doit sans doute y avoir un ravin avec des dinosaures. Enfin, tu vois, c'est vraiment, t'as pas envie de tomber, quoi. Et ouais, et le barbecue c'est cool, hein, parce que franchement, bon, Gisèle elle est morte, mais bon, c'est pas très grave, quoi. Happy ending, hurler de rire. Happy ending, barbecue aux States, ouais. Parce que du coup, voilà, maintenant ils ont enfin le droit de retourner dans leur pays. Oui, parce qu'en fait, ouais, ils avaient pas le droit de circuler où ils voulaient, en fait. Mais c'est des mecs simples, voilà, ils font juste un petit barbecue dans leur Corona, maison. Une bonne Corona, je veux dire. Ouais. Et puis le chinois, il est un peu triste, mais bon, ça va, il tourne la page, ça fait il y a deux jours. Puis de toute façon, tout le monde s'en branle. Alors, la blonde du début. Alors maintenant que Vin Diesel, il a retrouvé sa meuf, la blonde du début, elle revient, elle fait. Non, mais c'est pas grave. Bon, bah c'est cool, hein. Du coup, t'es avec Michel ? Avec Michel ! Il lui propose de rester, genre le mec va être. Tu veux pas une chipo, là ? Bah reste pour le barbecue. Et à la fin, ils font une prière, j'ai trouvé ça presque indécent. Je sais pas d'où ça sort, ça. Voilà. Bon, bah c'était globalement un film bien. Bah, moi, il y a des moments où ça m'énervait, je te jure, ça m'a tendu. Au bout d'un moment, j'avais envie de me battre, quoi, tu vois. Moi, en tout cas, en voyant ce film, j'étais hyper content parce que je me suis dit, celui-là, Greg, il peut pas le mater en accéléré. C'est pas possible. Alors, ça, c'était pas possible. Hein. J'ai même pas essayé. Bah, là, tu fais de l'hypertension. Hein. Non, mais c'est énervant. Hein. Franchement, je comprends que ça fasse des glingos, hein, après. Hein. Ouais. Voilà. Moi, j'avais pas vu les autres Fast and Furious, mais j'avais regardé les 24 heures du Mans une fois. Et du coup, ça, j'étais pas trop largué. Bah, en fait, il faut regarder les 24 heures du Mans et zapper sur du catch de temps en temps. Et voilà, c'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous de cul, tout le monde en a un. Alors, il y a pas mal de prix Nobel, hein, qui ont laissé des commentaires 5 étoiles sur Fast and Furious 6. On commence par... J'imagine. J'en ai 6 de commentaires. J'en ai 4 très courts et 2 longs, un peu plus longs. Alors, on commence par Maxime D qui dit... En réalité, j'ai pas vu le film, mais la bande-annonce déchire. 5 étoiles. On a Lancelot 44 qui dit « Avant tout, je dois préciser que je ne suis pas fan des films pif, paf, boum, boum, America, fuck you. » C'est vraiment une sous-catégorie. Hein. C'est extrêmement précis. Hein. « Mais ce film est une démonstration comme quoi un film peut être complètement con et génial. » Ouais, c'est pas la même démonstration, je trouve, moi. Mais... Bah si, en termes de pif, paf, boum, boum, American fuck you, c'est pas mal. Je suis impressionné d'avoir retenu le truc. Hein. Ensuite, on a Anthony McDonald qui a dû se tromper dans le téléchargement. Attends, est-ce que t'as un commentaire qui est viril ou pas? Si, pas celui-là. Cool. J'en ai un après, vous allez voir. Alors lui, il dit « Excellent ». Est-ce que tu peux prendre une voix plus virile quand tu fais un commentaire viril? Le film est à couper le souffle, désolé du terme. Mais c'est le parfait film de boule américain. Je pense qu'il y a une petite erreur dans tes charges, mon chumbo. J'aimerais pas savoir ce qu'il a vu, hein, parce que Fast and Furious. Enfin... Ensuite, on a Ahmed B. Qui est... Alors, celui-là, il est pas drôle parce qu'en fait, le mec est atteint du syndrome du Vamine. Il dit magnifique, tout avec autant d'action. Magnifique, tout avec autant d'action. Magnifique, tout avec autant d'action. Magnifique. Avec autant d'action. Et il le dit 27 fois. Mais pourquoi ? C'est l'enfer. Bah, je sais pas, il y a dû avoir un bug quand il a écrit son commentaire, j'ai pas compris, quoi. Il venait d'apprendre le copier-coller ou... C'est ça, ouais. Alors, ensuite, on a Jimmy Massoulier, qu'on pourrait dire. On pourrait dire Jimmy Massoulier plutôt. Alors là, c'est le commentaire viril. Il dit Fast and Furious 6, putain, c'est un feu d'artifice, quoi. Ah oui, Et d'ailleurs, on a eu Jean-Pierre Imparfait, mais là, je crois que c'est Christophe quoi, vous allez voir. Christophe, faute d'orthographe, non. Christophe quoi, alors tu vas voir, il fait putain, c'est un feu d'artifice quoi. Il est terrible. Oh my god, c'est une tuerie. Quoi? Meilleur que tous les autres. Je sais même pas s'ils pourront faire mieux pour le 7. À part si c'est les tarifs, ils pourront pas faire mieux, quoique. Mais il arrache, putain. Vous décollez du siège, quoi. Vous croyez qu'il est fini, mais en fait, non. C'est un putain de feu d'artifice. Ça bombarde de partout, avec forcément une énorme bouquet final, quoi. Il est vraiment à voir. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant en kiff sur un film d'action et de course, quoi. Puis le voir en avant-première dans les meilleures places qu'il y ait, je vous dis pas la tuerie, quoi. Ils sont juste fracassés, c'est juste démentiel, quoi. Bref, il est vraiment à voir quoi. 5 étoiles. Et enfin, on a. Le mec a placé un subjonctif, les meilleures places qu'il y ait. Wow. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires 5 étoiles. Hommage à Paul Walker en fait, parce qu'il est décédé, machin, donc ouais, tout le monde y est allé de sa petite formule. Mais ça, c'est les vraies valeurs. Mais ça, c'est les béguineries. Sauf qu'il y a Hellboy49 qui va vraiment loin. En fait, lui, il dit. C'est le dernier ? Ouais, c'est le dernier. Il dit Fast and Furious 6 est pour moi jusqu'à présent le meilleur de la saga. Je suis très triste, comme beaucoup de fans, d'apprendre la mort de Paul Walker. J'en ai beaucoup sur la patate. ça pourrait faire rire certaines personnes, mais c'est un acteur extraordinaire. D'une gentillesse et d'un naturel qu'on ne voit pas beaucoup chez les acteurs d'Hollywood. J'ai tourné avec Paul. Ouais. Il fait « Adieu, mon pote. On te regrettera énormément. Tu seras toujours dans nos cœurs. J'aurais voulu avoir un grand frère comme toi. Vu que... À la Paul. J'aurais voulu avoir un grand frère comme toi, vu que je n'ai pas de grand frère. Tu resteras toujours mon modèle. On t'aime énormément. Que Dieu veuille bien t'accueillir au paradis. Oh, un ange nous quitte. Je t'aimerai toujours, mon pote. Mes sincères condoléances à toute sa famille et sa fille Mido. Qui lisent souvent. Ils doivent être sur Amazon. Adieu, Polo. 5 étoiles. Virility, virility. Alors plusieurs choses à rappeler. Déjà, je vais faire une petite annonce personnelle. Attends, je finis mon bras de fer avec Greg. Petite annonce personnelle pour ceux qui aiment les commentaires 5 étoiles en fin d'émission de 2 heures de perdu. Je mettrai ceux que j'ai pas sélectionnés au final, mais qui valent quand même le coup parce que je peux pas en prendre 10 000 sur le Twitter de l'émission. J'en laisserai un petit peu. Bien joué. Voilà. Sinon, on a une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle à annoncer à tous nos auditeurs. Ah bon? La mauvaise. Oui. La merde. La mort de Paul Walker est mort. C'est pas possible, il est trop bien âme, poteau. C'était mon grand frère. Je commence par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de la première saison de 2 heures de perdu. La bonne nouvelle, c'est qu'on fera ça sur Jurassic World. Fantastique. Ouais. Très bien. La mauvaise, c'est qu'il faut qu'on aille au ciné pour le mater. Ça fait royalement chier. Mais voilà, donc quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à laisser des commentaires 5 étoiles en laissant le film que vous voulez qu'on mette dans le chapeau. Et on se retrouve sur Facebook et Twitter. C'est ça. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. What you say, tell me what you say. Working hard, repping for my dogs. Do this every day, taking off. Looking out for all, making sure we bond. Like the mob, all you do is call. Catch you if you fall, you can leave us. I never fear death or dying. I only fear never trying. I am whatever I am.